Pour tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Bonsoir les amis, nous viendrons au pays de la Sidonie, au pays de la Sidonie.